d'assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, l'honneur, la gloire et la force. D'âge en âge, et les quatre êtres vivants disent, disent Amen, Amen, Amen, Amen. Nous voulons te dire encore Shama et les lions Shaddai, roi de gloire, assis au trône. Sans. Tu es plus que la sainteté. Alléluia. Dans mon cœur, tu es mon roi. Dans mon cœur, dans mon cœur, tu es comparable. Le chemin dans ma vie, c'est toi qui me tiens par ta main invisible. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. C'est toi, toi qui es Dieu éternel. Hors de toi, il n'y a point de sauveur. Tu es Dieu.